Ton père nous a mis dans un trou d'eau. Tu continues à nous faire rouiller. Ainsi soit-il. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de Variété indépendante. Ben oui. Lui, sa mission, là, j'irai pas plus loin parce que je trouve qu'il a raison là-dessus. Bienvenue à la douce, à l'émission. Bienvenue à l'émission, c'est ici. De Variété indépendante francophone, Errance rénaldienne. On passe par-dessus le trou d'eau. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est fait depuis 5 ans, 40 minutes. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Du Nord devant passer sous ma porte. Quand tu livres fort, que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap, et je secouais la tête. J'en ai cassé les bras. J'avais les hauts, j'avais les bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. Je restais enfermé, enroulé dans un drap. Je secouais la tête, j'en ai gâté les bras. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. Chaque jour je me tenais prêt, j'ai quitté l'heure et la page où les eaux souffriraient, me laisseraient un passage. L'espoir me faisait vivre, l'espoir me faisait vivre, l'espoir me faisait vivre, l'espoir me faisait vivre. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi, moi. Go, go, go, go. J'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi.